C'est Noël, je crois qu'on le sait, puisque c'est une heure spéciale Noël. Sans blague. C'est la joie, tout le monde sait, mais pourtant, Léa a préparé une pantoufle dans la gueule. Je rappelle que Léa a une minute pour éclater un grand classique. Léa, c'est à toi. Alors, bah effectivement, c'est les fêtes de fin d'année. Du coup, je vais faire mon bashing sur l'œuvre de Noël la plus surestimée de tous les temps, le Nouveau Testament. Un peu comme les films à sketch, la Bible est inégale, avec des passages très lents, suivis de passages plus aboutis, mais sans aucun effort de lien. De plus, l'identité de l'auteur est discutable. Pourtant, c'est un best-seller depuis plus de 2000 ans. L'auteur et ses ayants droit doivent se faire des couilles en or. Enfin, l'auteur. J'ai quelques suspicions de nègre par-ci par-là et de plagiat de mythologie plus ancienne. On nous accroche au début avec du sexe et de la violence, mais à partir de l'arrivée du personnage principal sorti de nulle part, tout devient fade et terne, malgré un petit mieux grâce uniquement au personnage de Jean qui nous propose un chapitre apocalyptique pas dégueu. On a de très mauvaises punchline SM du style « tant l'autre joue » ou bien des arguments de boulanger cannibale du genre « ceci est mon corps ». Bref, malgré une vaine tentative de partir dans le fantastique, l'auteur se perd dans des métaphores incompréhensibles, de la lenteur, des redondances, des morales douteuses et surtout une trop grosse dose de pessimisme. On a des vierges violées, des massacres, des injustices à foison. En plus, c'est bourré de contresens, d'incohérences, on se perd dans des sous-intrigues et ça manque cruellement d'effets spéciaux. Même la fin n'est pas claire. Spoiler, Jésus meurt. Oh non. Ou pas. Oh, oh bah Mais regarde. Ouais, bravo, dans la minute. Merci Léa et joyeux Noël.